Montréal, après tout, on est pas mal. Mais il faut bien se watcher les règlements, faut pas oublier. Pas que trop d'autant devant chez vous, pareillement aux lumières rouges, vous arrêterez. Il y en a une dizaine pour vous watcher à tous les deux. Fais de l'étendue dans les tendues. Il faut pas aller trop vite, il y a des spotters en bicyclette, et puis il y en a d'autres à pied qui vous semblent de tous côtés à tous les deux. Fais de l'étendue dans les tendues. Et pour mieux vous reposer à la campagne, vous y allez, vous n'êtes pas rendu bien loin, qu'on vous arrête en chemin à tous les deux. Fais de l'étendue dans les tendues. Et d'autres qui sont pas arrêtés, au stop qui était marqué, au record de vous paraîtrez, du gaz de moins pour se promener à tous les deux. Fais de l'étendue dans les tendues. Après ces désagréments, votre femme dernier chacun, tu vas vendre ton char à main, ou bien je m'en vais chez maman à tous les deux. Fais de l'étendue dans les tendues. Ceux qui vous causent ces ennuis, c'est des bons garçons aussi, mais ils sont payés pour ça. C'est la même chose dans les états. Fais de l'étendue dans les tendues. Mireille avec son titre C'est à vous. Dans le jardin du palais royal, et j'ai remarqué assise sur un banc une jeune fille et un peu plus loin un jeune homme qui avait très envie de lui parler. Au bout d'un moment, le jeune homme a parlé, la jeune fille a répondu, et voilà à peu près ce que ces deux amoureux se disaient. C'est de vous que me parlait le printemps, que me parlaient les romans, que me parlait grand-maman. C'est de vous que me parle le ruisseau, quand je jouais au berceau sur le pont du parc Monceau. Quand la pluie d'avril vient monter sur les tuiles, c'est votre profil dont rêvait ma pupille. C'est pour nous que la Marne a ses guinguettes, la rue de la paix ses affaires, et le calendrier ses fêtes. C'est pour vous que la mer sur le rivage rapporte des coquillages et du sable sur la plage. Pas du tout, du tout, du tout. qui peignent parfois étaient découverts par moi. Les doigts du berger, tous les soirs au berger, me faisaient rêver pour un cheveu léché. C'est pour moi que l'Académie française, dans son fascicule 13, a permis de dire minou, minou, minou et mienou. Il s'appelle Bérard avec son titre Sorcière d'amour. C'est ta sorcellerie, voilà de l'argent à poison. J'aime Margot à la folie, dis-moi si j'ai tort ou raison. Parle sans hésiter et dis toute la vérité. Margot, Margot, dit la sorcière, je ne veux plus vous aimer. Un autre amant a-tu lui plaire, la prendre et la charmer. Tu vends, vieille mégère, si l'amant en est moi, Margot n'est pas légère, elle n'aime que moi. Je ne veux pas qu'on la diffame, je veux croire toujours au serment de la femme. La vieille dit votre maîtresse, tenez, elle est en ce moment, amoureuse et folle d'ivresse, dans les bras d'un nouvel amant. À sa bouche ardente et suave, l'homme accueille le doux baiser, fera de lui son esclave, si je, mon corps en est grisé. Non, clame à l'amoureux, j'ai sa parole, elle a mes voeux. Margot, Margot, dit la sorcière, ne veux plus vous aimer. Un autre amant a-tu lui plaire, la prendre et la charmer. Tu vends, vieille mégère, il l'amant en est moi. Margot n'est pas légère, elle n'aime que moi. Je ne veux pas qu'on la diffame, je veux croire toujours au serment de la femme. D'un lament fou de tristesse, sans réfléchir pour son couteau, la haine au cœur chez sa maîtresse, pour l'attraper dans long couteau. Les bras dans sa fureur la belle, prenant son air tendre et moqueur, si tu ne m'aimes plus, dit-elle, ne sois pas la maître à mon cœur. Non, jamais, dit l'amant, c'est moi qui finis le roman. Et pour Margot, elle qui l'aime, à genoux l'amour. Dans son chagrin, on trouve l'extrême, se frappe sous ses yeux. Disons, ma chère belle, que vos heures derniers jours, se voient un coccinelle aux promesses d'amour. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Charlu, avec son titre, on a tous les coups qu'on gagne. Elle s'appelle Irène Fabrice avec son titre Être seul tous les deux. La chose naturelle, j'aime pourquoi le nier, voir les nouveaux modèles chez tous les couturiers, assister aux premières de grands galas. Mais ce que je préfère à tout cela, être seul tous les deux, quoi de plus doux, être seul tous les deux chez nous, quartier du Luxembourg, dans notre nid d'amour qui donne pourtant sur la cour. Être seul tous les deux par tous les temps, c'est vivre un éternel printemps. Tant pis, même s'il pleut, pour nous le ciel est bleu. Dès que l'on est seul tous les deux, si l'on nous téléphone, surtout ne réponds pas, je n'y suis pour personne, je reste dans tes bras. Oui, nous devions, j'y pense, j'avais promis, aller rue de Florence, chez des amis. Être seuls tous les deux, vibrant d'espoir, être seuls tous les deux ce soir. Loin du monde orgueilleux, mon cœur c'est merveilleux, un rendez-vous avec tes yeux. Être seuls tous les deux, parler tout bas, et si l'on nous attend là-bas, nous dirons mon amour qu'on s'est trompé de jour. Être seuls tous les deux, toujours. Dania, et son titre s'appelle Maria Dominique. J'étais un soldat de marine, je venais de m'engager pour 5 ans. J'avais 20 ans, belle poitrine, comme dans le refrain du régiment. Dans les bistrots près de l'Oursine, les anciens m'en faisaient un plat. Tu vas voir ce que c'est que l'Indochine, écoute la chanson d'un soldat. Marie, Marie Dominique, que foutais-tu à Saigon? Ça ne pouvait rien faire de bon. Marie Dominique, je n'étais qu'un cabot clairon, mais je me rappelle ton nom. Marie Dominique, est-ce l'écho de tes prénoms, le triste appel du clairon? Marie Dominique, je ne savais pas que la chance ne fréquentait point les cagnards, puis qu'en dehors de la cuissance, tout le reste valait pas ça. Tu m'as fait comprendre les choses avec des petits airs insolents, et je ne sais quelles apothéoses, c'était le plus clair de mes tourments. Marie, Marie Dominique, est-ce l'écho de tes prénoms ou le triste appel du clairon? Marie Dominique, c'est ta démarche balancée qui efface à tous mes espoirs, qui la belle vie si bien rêvée, est-ce régulier de t'en vouloir? Une chanson de la coloniale, voilà le résultat en 5 ans de mes erreurs sentimentales, selon l'expérience des camps. Marie Dominique, que foutais-tu à Saigon? Ça ne pouvait rien faire de bon. Marie Dominique, je n'étais qu'un cabot clairon, mais je me rappelle ton nom. Marie Dominique, est-ce l'écho de tes prénoms ou le triste appel du clairon? Marie Dominique. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-Ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. voici, il s'appelle Robert Roquin et son titre, Ils sont tous. Mesdames et messieurs, que la province française a été voici quelques mois secouée par des scandales d'un genre particulier. Des notabilités, des commerçants, des hauts fonctionnaires se sont trouvés impliqués dans des histoires de détournement de mineurs. Je voudrais préciser qu'il ne s'agissait pas de petites filles. Il a même paru un instant qu'on se trouvait là en présence d'une sorte d'épidémie, puisque successivement Tours, Montauban et La Rochelle furent le théâtre d'arrestations sensationnelles. Je voudrais vous raconter ce qui se passe dans une petite ville que je connais bien, où j'ai quelques attaches, rassurez-vous, assez lointaines. Mon choix étant fait depuis longtemps. Il n'y a plus à y revenir, tout au moins pour l'instant. C'est si bizarre la vie, il faut toujours réserver l'avenir. Et en attendant, je vous raconterai ce qui se passe dans ma petite ville en un tableau de mœurs provinciales modernes. C'est une petite ville aimable, comme chez nous on en voit tant. Une grande rue, une place adorable, avec une fontaine au mi-temps. Une petite église qui s'embête, une mairie qui sent le renfermer. Une petite gare où le train s'arrête, quand le chauffeur est bien luné. C'est une petite ville accueillante, où le ciel est clair, où l'air est doux. Et le chef de gare à la descente vous dit tout de suite: bonjour monsieur. Dans ce pays-là, ils en sont tous. Le boucher commence à l'histoire, un jour qu'il emmenait son commis chercher de la viande aux abattoirs, il l'appela mon petit chéri. Le lendemain, ce fut le notaire qui, devenu soudain nerveux, fit appeler son premier clerc pour lui dire qu'il avait de beaux yeux. Le clerc qui frise la soixantaine remercia troublé et rougi, ajoutant avec un peu de gêne: le gendarme me l'a déjà dit. Dans ce pays-là, ils en sont tous. L'habitude fut bientôt prise de prêcher l'amour du prochain. Toute la ville s'y est mise, c'est bien là le mot qui convient. Parfois, dans la nuit qui commence, on entend la voix d'un chanteur. C'est le facteur qui chante une romance sous les fenêtres du marchand de couleurs. Mais il y a souvent des drames. Un soir, l'épicier un peu gris fut trouvé couché près de sa femme. Il a dû quitter le pays. Dans ce pays-là, ils en sont tous. Un jour est venu de passage un monsieur nommé Paul Dupont. Ses initiales sur ses bagages ont fait aussitôt sensation. Tout le pays lui courait derrière. Il a eu peur d'un mauvais coup. Il est allé voir le commissaire. Le commissaire l'a pris sur ses genoux. Et comme c'est un homme habile, Dupont fut bientôt consolé. Il vient de louer une maison en ville et il parle plus de s'en aller. Dans ce pays-là, ils en sont tous. Évidemment, les femmes sont tristes. Elles n'ont plus de mari ni d'amant. Elles comptent plus que sur le séminariste qui va rentrer du régiment. Pour l'instant, il y a que le petit Jacques qui soit encore un vrai garçon. Comme il a eu 6 ans à Pâques, on peut pas se faire d'opinion. Faut voir de quel amour sincère elles entourent le moutard. Elles le soignent bien car elles espèrent se le mettre de côté pour plus tard. Dans ce pays-là, ils en sont tous. Il y a bien le vieux curé qui s'occupe de les remettre sur le droit chemin. Mais comme il dit avec mes jupes, qu'est-ce que je peux avoir comme tintouin? Le soir, quand il rentre au presbytère, sur sa bécane, il est inquiet. Ils se mettent tous à plat ventre par terre pour tâcher de voir ses mollets. Ils sont si nombreux à confesse, le curé trouve ça si peu normal qu'il envisage avec tristesse de faire blinder le confessionnal. Dans ce pays-là, ils en sont tous. C'est une charmante ville de France où le ciel est clair, où l'air est doux. Messieurs, passez-y vos vacances si vous vous sentez sûr de vous. Sous la verdure qui la cache, la petite rivière court sans bruit. Si vous avez de belles moustaches, l'hôtelier vous fera des prix. Et loin des orages qui grondent, vous découvrirez satisfait qu'il existe un coin dans le monde où les hommes vivent en paix. Dans ce pays-là, ils en sont tous. Voici, il s'appelle Roger Bourdin et les titres de la chanson Les Noces de Figaro. Amoureux et volage, oiselet, échappé de sa cage, son effet, il est temps d'être sage, laisse en paix les minois d'alentour. Son effet, il est temps d'être sage, laisse en paix les minois d'alentour. Les amours pour séduire les belles ne t'abriteront plus sous leurs ailes. Son effet des rubans, des dentelles, des parfums de pouvoir et de cour, des parfums de pouvoir et de cour. Son effet des sérénades, des ombades, des œillades, des dents de tellement amoureux et folâtre. Oiselet échappé de sa cage, son effet, il est temps d'être sage, laisse en paix les minois d'alentour. Son effet, il est temps d'être sage, laisse en paix les minois d'alentour. D'où viennent ces nouveaux charmes, c'est de s'asseoir sous les armes, l'indosage, d'assurance, de bravoure, d'impudence, de faillance et d'insolence, de l'honneur en récompense, peu de finance, de l'honneur et peu d'argent, de l'honneur et peu d'argent. Quel destin plus engageant! Entends-tu cette fanfare, laisse la flûte et guitare. Entends-tu cette fanfare, laisse la flûte et guitare. Du combat, c'est le signal. Plus de balles, de sérénades, de chansons, ni d'obac, de soupirs, ni de yade. On est prêt, des tendres œillades. Belle enfant, amoureux des volages. Oiselet échappé de sa cage, son effet, il est temps d'être sage, laisse en paix les minois d'alentour. Son effet, il est temps d'être sage, laisse en paix les minois d'alentour. Chérubin marche à la gloire, adieu les amis de cour, il prépare la victoire. Sois à mort, à mort. Voici donc Arletty et puis Georges Huner. Leur titre vient, et bien vient encore Mademoiselle. «

c'est pas la même chose. Non, non, non, car on ne dit bien ces mots-là au creux de l'oreille, tout bas, au creux de l'oreille, tout bas, tout bas, tout bas. J'ai son titre qui mieux que toi. Sur ma joue, qui me dirait les mots les plus doux, comme tu sais si bien. Et mieux que toi, quand bien souvent mon cœur est blessé, saurait calmer de mille baisers l'ennui de mon chagrin. Prendrais-je sans toi mon bonheur? Dis-moi qui mieux que toi me donnerait l'envie de chanter et qui pourrait si bien m'envoûter lorsque je t'enlève. Donnerait l'envie de chanter et qui pourrait si bien m'écouter lorsque je t'enlève. Et je vous laisse avec Roland Petit, la chanson du gangster. Je ne sais ni où, ni quand, ni comment ça finira, mais pour le moment, tous les flics après moi sont lancés, je ne me ferai pas pincer. Parmi les gangsters, il est dit que je suis de beaucoup le plus fort, mes pyjamas sont faits de tussor, j'ai que des amis. Mes ennemis sont morts et j'ai deux dents en or. En première page, tous les journaux, je fais du tapage, y a ma photo. Je suis l'ennemi public numéro un, je me fous du lendemain. En attendant la chaise électrique, je prends du bon temps et je claque du fric. Je ne suis pas un garçon compliqué, je trouve la vie ok. J'ai eu des tas de filles, des brunes et des blondes et des rousses et des teintes. Je peux pas m'arracher à leurs étreintes quand elles me disent je t'aime, je t'adore, je leur réponds, je dors. Celle que j'attends depuis longtemps, le cœur battant à chaque instant, je ne sais ni où, ni quand, ni comment, visera à bout portant. Je ne sais ni où, ni quand, ni comment ça m'arrivera comme ça, brusquement. Par l'amour un soir sans y penser, voilà qu'on se fait, voilà qu'on se fait, voilà qu'on se fait pincer. C'est nous, Radio Arc-en-Ciel et de retour. Réserve tout de suite ton 29 novembre. Eh oui, le 29 novembre, Radio Arc-en-Ciel organise un repas dansant et gourmand. Une soirée animée par Adrienne Opereira. Pour la première fois sur Orléans. Uma lindíssima vange do bailarico português vai ser de dançar até amanhecer. Réserve vite. Le 29 novembre à 19h30 à table. Au menu, une entrée, assiette océane, un plat chaud, cozido à portugaise, un fromage, trio de fromage sur son lit de salade, un dessert glacé, et puis un café, un thé, un sharing, boisson non comprise. Prix adhérent, 25 euros. Prix public, 30 euros. Enfants de moins de 10 ans, 10 euros. Réservation avant le 21 novembre. Attention, place limitée. À l'espace arc-en-ciel au 266, Faubourg Bannier, à Fleury-les-Aubrais. Info en semaine au 02 38 43 50 09 et le week-end au 06 79 08 42 05. Mais aussi par mail arc-en-ciel.iota@gmail.com. Et point de vente, Radio Arc-en-Ciel, les établissements Mariano ou bien le Panier. Venez nombreux, une organisation Radio Arc-en-Ciel. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Il s'appelle Yves Desnaux et son titre Le Gang des Tractions. Alors c'est prêt, voilà mon plan, les gars. On va piquer les diamants, la comtesse. Comme la bégomme, elle en a plein les bras. Ah, mais compris, hein, touchez pas à la gonzesse. Ça va, on n'y touchera pas. On va pas se bigorner pour ta comtesse. Alors c'est marre, faut garder les manières. Dans une si chouette traction arrière. Oui, c'est fini là qu'un citron, tu le sais mon garçon, elle est pas trop visée. Même le garçon tête de bécon, Dieu sait si les couillons, bah il peut référer. Crois-moi, plus de traction avant, je l'ai fait son temps, faut changer le système. C'est bien simple, pourquoi quatrième, ça marche comme un enterrement. Plaque changer, maquiller, on a tournement. Relou crever, réparer, oh ça c'est pas malin. Après ça, tous sont à genoux, même les gabelous devant ma traction arrière. Ils te prendront pour monsieur le maire, et les flics sont au garde à vous. Et la titine, dis-moi, quoi qu'elle aura, va vous regarder pas à la dépense. Je la paye au mois, non, ça y suffit pas. Peut-être qu'elle veut aussi sa prime de vacances. Et toi, Jojo, qui a juste fait les 100 pas, dis, tu revendiques peut-être pas une géance, hein. Ça ne suffit pas de te taper derrière dans une si chouette traction arrière. Oui, c'est fini là, tiens, c'est fondu, le sais, mon garçon, elle est parfois visée. Même le garçon pète de bécon, Dieu sait si les couillons, bah, il l'aurait repéré. Crois-moi, plus de traction avant, ce truc-là a fait son temps pour changer de système. C'est bien simple, faut qu'en quatrième, ça marche comme un enterrement. Plec changer, maquiller, de tournement. Roux crever, réparer, oh, ça, c'est pas malin. Après, ça, tous sont à genoux, même les gabelots devant ma traction arrière. Ils te prendront pour monsieur le maire, et les flics sont au garde-à-vous. Quoi, tu roupilles derrière ce corbillard? On met ton château et ta belle comtesse. À force d'aller au port, on est éteint. Dis, t'as plus peur qu'on y fasse des caresses? Faut le changer ton taco, ton tortillard. Racole un tout bim et des infirmières. On te la portera sur une civière, ta si fameuse traction arrière. Minute, à moi de jacter mes petits-enfants. Ce macabre là devant, c'est notre sacrée comtesse. En première classe, tout doucement, elle change d'appartement, frayée pour la gonzesse. Le rencard, c'était dans le cimetière. Avec vos crises d'honneur, on a fait trop de vitesse. Pour visiter ma blague comtesse, faut attendre qu'elle soit enterrée. En civière, mon arrière, comme un macabre, oh, une rombière d'infirmière. Vous êtes tous cinglés, les frais du riff religieux, tous les vérifiés roulent fous à ma traction arrière. Vous les verrez tous en prière, et même les flics à deux genoux, d'atout. Elle s'appelle René Lebas et son titre Yeux bleus. Tous les amants se ressemblent, ils ont les yeux bleus, ils ont les yeux bleus. Tant qu'on peut dormir ensemble, y a pas plus heureux, y a pas plus heureux. Je ne sais pas si je t'aime vraiment, mais je n'ai toi. Et si tu m'as choisi, c'est que t'as pas trouvé mieux que moi. Mais rien que de vivre ensemble, on a les yeux bleus, on a les yeux bleus. On a le cœur qui nous tremble et c'est vrai qu'on est mieux à deux. Sans sou pour savoir ce que t'as dans le crâne, ton garçon s'enflamme comme une réclame. Et quand t'es Mireille joue à la Saint-Jean, le

les oreilles. Il s'appelle Bourville avec son titre Mon vieux phono. Mon bon vieux grand-père qui était comédien quand j'étais gamin chantait ce refrain tout en remontant avec précaution. La petite manivelle d'un vieux phono à pavillon. Sur mon phono, mon bon vieux phono, petit tu vois. Quand j'ai le cœur gros, je mets un rouleau et je revois. Je revois Paulus, Mayol, les rois du music-hall. Dranam, Narquois, qui chantaient les petits pois. Sur mon phono, mon bon vieux phono, sans me déranger, je peux écouter le premier numéro de Chevalier. Je vois la Scala, l'Eldorado, et moi enlevé de rideau, sur mon phono, mon bon vieux phono, qui chante faux. Par un soir d'hiver pour une grande tournée, grand-père est monté au ciel étoilé. Et j'ai hérité, pour pas de ses mignons, mais de son métier du phono à pavillon. Sur mon phono, mon bon vieux phono, comme autrefois, quand j'ai le cafard, que les contrats sont rares. Alors ma foi, je donne un tour de clé à son cœur de métal. Et de son côté, il me remonte le moral. Et même si je n'ai pour mon déjeuner qu'un petit sandwich, en écoutant son vieux son fêlé, je me sens plus riche. Et je suis prêt à mettre au clou m'a montré mes bijoux, mais sûrement pas, je vous le dis bien haut, mon vieux phono. Et nous resterons, c'est bien certain, unis comme les doigts de la main. Car mon phono, mon bon vieux phono, oui mon phono, mon bon vieux phono, qui a connu mes joies, mes chagrins, c'est mon copain. Il s'appelle Francis Carco, son titre Chanson tendre. Au beau jour de nos 20 ans, par ce clair matin de printemps, j'ai voulu revoir tout là-bas l'auberge au milieu des lilas. On entendait sous les branches les oiseaux chanter dimanche, et ta chaste robe blanche paraissait guider mes pas. Tout avait l'air à sa place, même ton nom sur la glace, juste à la place où s'efface quoi qu'on fasse toute trace. Et je croyais presque entendre ta voix tendre murmurer, viens plus près. J'étais ému comme autrefois, dans cette auberge au fond des bois, j'avais des larmes plein les yeux, et je trouvais ça merveilleux. Durant toute la journée, dans la chambre abandonnée, depuis tant et tant d'années, je nous suis revus tous deux. Mais rien n'était à sa place, je suis resté tête basse, à me faire dans la glace, face à face, la grimace. Enfin j'ai poussé la porte, que m'importe, et nini, c'est fini. Pourtant, quand descendit le soir, je suis allé tout seul m'asseoir sur le banc de bois vermoulu où tu ne revins jamais plus. Tu me paraissais plus belle, plus charmante, plus cruelle qu'aucune de toutes celles pour qui mon cœur a battu. Et je rentrais l'âme lasse, chercher ton nom sur la glace, juste à la place où s'efface, quoi qu'on fasse, toute trace. Mais avec un pauvre rire, j'ai cru lire, après tout, on s'en fout. Avec deux morceaux différents de la flûte de Pan et on se retrouve juste après. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-Ciel, c'est le bonheur, tout en couleur. Et voici donc Michel Roger, son titre « En entendant ma belle ». En attendant ma belle, en attendant m'amour, je veux chanter pour elle la nuit, le jour. Je veux chanter pour elle mon plus joli refrain, ma chanson à des airs. J'attends sa main, demain sa tête blonde fleurira dans les bois. Quelle joie pour tout le monde et quel bonheur pour moi de dire à cette belle, de dire mes amours, mon cœur te sera fidèle, je t'aimerai toujours. C'est long les voyages à travers les campagnes ou la mer. À travers les plaines sauvages, sans amour, le cœur est un désert. En attendant ma belle, en attendant m'amour, je veux chanter pour elle la nuit, le jour. Je veux chanter pour elle mon plus joli refrain, ma chanson à des airs. J'attends sa main, demain sa tête blonde fleurira dans les bois. Quelle joie pour tout le monde et quel bonheur pour moi de dire à cette belle et de dire à mes amours, mon cœur te sera fidèle, je t'aimerai toujours, je t'aimerai toujours, mamie, je t'aimerai toujours, mamie. Voici, il s'appelle Robert Lamoureux et son titre « J'ai l'air d'un plaisantin ». On dit « Oh, je sais, vous allez dire, l'amoureux, c'est un rigolo, tout ça. Il est... on dit que j'ai l'air d'un plaisantin. Je le sais, c'est un bruit qui court, ça. Ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. » On pense que je suis un plaisantin. Ben, c'est pas vrai. On pense que je me fous de ce qui est bien. Ben, c'est pas vrai. J'aime regarder autour de moi le temps qu'il fait. Je suis poète aussi parfois. Et ce qui me plaît, aller dans le matin, ben, moi, j'aime ça. Respirer un parfum, ben, moi, j'aime ça. Voir la pluie mettre aux arbres du chemin des perles, des diamants si fins, si fins. Sentir une autre main dans ma main. Voir s'en aller mon père, le front serein. C'est un bonheur tout simple, un grand bonheur bien vrai.

suffit de m'offrir des orchidées ou qu'il y a une limousine. Moi, je coûte cher, mais c'est merveilleux. J'ai une âme d'artiste, malgré ce petit travail, et j'ai toute une liste d'objets qui me sont chers. Quand un homme galant veut m'offrir un tableau, je cite le Greco, Utrillo, Picasso. Moi, je coûte cher. Oui, mais quand on me connaît, on est vite porté à dire c'est une affaire, malgré qu'elle coûte cher. L'avenue du bois, un maître d'hôtel qui obéit aux doigts, mais pas à l'œil. Alors tout ça, faut bien que je le fais. J'ai deux voitures et six chevaux pour ma coiffure, j'ai Antonio. Et puis quelques mois, un gigolo qui me coûte cher. C'est la loi de la nature, il faut bien que l'argent circule. Il me coûte cher. Mais quelle sensation! Quand sur ma chair, j'ai ses deux mains caressantes, j'en ai la peau qui ondule. Je sens dans l'air passer des frissons. Mais il faut que je comble mes écarts de budget. Car au bout de ses ongles, ce que l'argent peut filer. Aussi je cherche un homme dans le genre financier. Serait-ce vous, monsieur, ou bien vous? Décidez. Moi, c'est bien clair. Comme je ne suis pas une femme en soldat, ni même en réclame, je vous coûterais cher. Oui, mais quelle affaire! Juste un instant, Suzy Delair, et voici en duo, c'est Patrice Mario, Venise, et plutôt Virus. Soleil, nous irons tous les deux vous dire bonsoir, bonsoir.

de ton père et ta mère et tutti nos bambini. Oh, oh, oh. Nous chanterons avec la vie domani, domani, domani. Et je vous laisse avec deux titres différents de trompettes et puis on se retrouve juste après.

destin, c'est d'habiller les autres. On dit qu'elle est petite à main, et s'il est vrai qu'elle n'est pas grande, que de bouquets et de guirlandes a-t-elle sommé sur nos chemins. Elle chante un air de son bonbourg, elle rêve à des serments d'amour, elle pleure, et plus souvent qu'à son tour, mademoiselle de Paris. Donne tout le talent qu'elle a pour faire un bal à l'opéra et file à la porte des lions. Mademoiselle de Paris, elle prodonne, elle sourit. Et voilà mademoiselle de Paris, elle prodonne, elle sourit. Et voilà mademoiselle de Paris. Jacques Pils avec son titre Ma petite rime. Comme Paris rime avec esprit, comme la Seine rime avec Verlaine, comme nos gens avec le printemps, toi tu rimes avec moi. Comme Passy rime avec souci, comme Auteuil rime avec orgueil, comme Pigalle rime avec fringale, toi tu rimes avec moi. Cuba rime avec samba, Pablo avec Picasso, Muguet avec premier mémé. Comme Paris rime avec esprit, comme la Seine rime avec Verlaine, comme nos gens avec le printemps, toi tu rimes avec moi. Comme joli rime avec folie, comme un ange rime avec étrange, comme la mousse avec ta peau douce, toi tu rimes avec moi. Comme l'amour rime avec toujours, comme plus tard rime avec trop tard, comme pas riche avec on s'en fiche, toi tu rimes avec moi. Ton corps rime avec encore, tes yeux avec merveilleux, demain humain dans la main, viens. Comme joli rime avec folie, comme un ange rime avec étrange, comme la mousse avec ta peau douce, toi tu rimes avec moi. Petite rime, veux-tu que l'on s'égare dans un abîme de poésie bizarre. Comme Paris rime avec la Seine, comme Verlaine rime avec son ange, comme la mousse avec le printemps, toi tu rimes avec moi. Comme fringale rime avec Paris, comme Pigalle rime avec nos gens, comme plus tard avec on s'en fiche, toi tu rimes avec moi. Samba rime avec Muguet, ton corps avec Picasso, demain avec premier mai, viens. Comme Paris rime avec Verlaine, comme Verlaine rime avec toujours, comme toujours avec mon amour, toi tu rimes avec moi. Avec toi. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Voici Lucienne Delisle avec son titre « Tu n'as pas très bon caractère ». Tu n'as pas très bon caractère, après tout qu'est-ce que ça peut faire? Je t'aime avec tous tes défauts, tu en as pourtant de bien gros. Pour un rien, tu as les colères qui me garissent et qui m'exaspèrent. Mais tu as des petits à côté qui m'obligent à te pardonner. Depuis toujours, j'avais rêvé d'un homme. Mais avec toi, vraiment, cela me chante. Et lorsque je suis prête à te maudire, tu prétends que je pourrais trouver pire. Alors je n'ai plus rien à dire. Tu n'as pas très bon caractère, après tout qu'est-ce que ça peut faire? Maintenant je suis résignée, tu peux tranquillement tout casser. Je dois faire tes petits caprices ou subir les pires injustices. Cependant c'est plus fort que moi, je m'ennuie quand tu n'es pas là. Tu fais parfois trop de ta part. Je deviens la risée du voisinage. Au lieu de me dire bonjour quand je m'avance, tous les voisins ricanent en silence. Ça fait toujours plaisir quand on y pense. Tu n'as pas très bon caractère, après tout qu'est-ce que ça peut faire? Je suis habituée et j'arrive à te supporter. Et d'ailleurs, quand je me désole, je l'avoue, ce qui me console, c'est qu'avec ce caractère, la tête qui flirte ne résiste pas. Moi, je reste quand même parce que je t'aime. Voici donc Verlor et d'Avril avec son titre Prenez mon cœur et mes roses. À tous les passants gaiement. Prenez mon cœur et mes roses, un bouquet très peu de choses, mais ça peut être la cause d'un grand bonheur. Dans ces roses à peine écloses, veulent dire tant de choses. C'est l'amour que je propose. Prenez mon cœur et mes fleurs. En voyant la jolie fille, grand seigneur de Castille. Jeune et brillant comme il se doit, longuement la contempla et près d'elle s'approcha. Et Violetta, en rougissant, chanta. Prenez mon cœur et mes roses, les jolies roses. De choses, oui, mais ça peut être la cause d'un grand bonheur. Dans ces roses à peine écloses, qui veulent dire tant de choses, c'est l'amour que je propose. Ton cœur et tes roses. Prenez mes roses. Mais demain je te propose mes jolies roses de t'offrir contre ces roses mon nom, ma vie, mon amour. Elle accepta sans détour et il s'aimait. Elle s'appelle Roberta. Roberta, son titre, Y a tant d'amour. Y a tant d'amour sur toute la terre. Donne-moi ta main. Le temps d'aimer ne dure guère. Pourquoi demain? Dans leur chambrette, Pierrot, Pierrette perdent la tête et sont heureux. Il y a tant d'amour sur toute la terre. Faisons comme eux. Faut pas se moquer des chansonnettes où le soleil et le lilas ont rendez-vous dans une guinguette. On peut danser sur ces airs-là. Viens donc valser l'un contre l'autre et doucement là dans mon cou. Cette chanson qui est la nôtre, tu la diras rien que pour nous. Y a tant d'amour sur toute la terre. Qui en veut? Le temps d'aimer ne dure guère. Soyons heureux. Dans leur chambrette, Pierrot, Pierrette perdent la tête et sont heureux. Il y a tant d'amour sur toute la terre et dans tes yeux. Faut pas se moquer de ces rengaines qui durent plus que les amours. Ah, que mon cœur a de la peine. Adieu musique, adieu beau jour. Adieu caresse, adieu guinguette. Mais les amants qui nous suivront sur la chanson que tu m'as faite iront au bal et s'aimeront. Il y a tant d'amour sur toute la terre. Donne-moi ta main. Le temps d'aimer ne dure guère. Pourquoi demain? Mon Dieu que c'est bête. Je perds la tête. La chansonnette, je la sais plus. Y a tant d'amour sur toute la terre. sais plus. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Et puis donc, voici la programmation pour ce soir, donc à partir de 17h. Jusqu'à 19h, vous allez retrouver Emmanuel. Et puis juste après, entre 19h jusqu'à 22h, avec Albino. Et puis donc, Albino, ben, il recevra des invités. Et puis ainsi, demain samedi, vous allez vous retrouver entre 9h jusqu'à midi avec Christine pour l'émission Portugal Nous Corréziens. Et puis comme encore pour les émissions, et bien pour le dimanche, dimanche matin entre 8h et 10h avec Antonio. Et puis juste après, entre 10h et 12h30, le téléphone sonne avec Lionel et Jérôme. Et puis juste après, eh bien, vous allez me retrouver entre 12h30 jusqu'à 16h. Et puis, il y aura bien sûr l'émission de l'accordéon. Et puis aussi pour vendredi prochain, donc eh bien la semaine prochaine, eh bien on écoutera des chansons, eh bien comme Michel Sardou, comme Johnny Hallyday, comme Dalida, et puis d'autres chanteuses, mais avec des chansons inédites qu'on entend pas beaucoup à la radio. Donc c'est ça. Et il y aura aussi avec Jean Ferrat, il y aura avec d'autres mélodies. Donc ce sont des chansons inédites. Eh bien, on continue les chansons souvenirs et je vous laisse avec André Claveau. Le titre s'appelle Y avait toi. Y avait toi. Il y avait moi et le soleil qui brillait en se traînant un peu sur tous les toits et mon amour qui ne disait rien. Il y avait toi, il y avait moi, je m'en souviens, tu disais on fait toujours de la peine à quelqu'un, c'était pour moi, je le savais bien. Je marchais près de toi, j'avais envie de crier, je te veux rien qu'à moi, mon amour, je voudrais te garder. Pour moi tout seul. Il y avait toi, il y avait moi, et la vie qui passait, et mon cœur qui battait, et mon amour. J'étais tout seul. Tu m'as dit, j'ai pour toi une infinie tendresse, mais ma vie c'est là-bas, il faut que je te laisse. Tu ne sauras jamais combien moi je t'aimais. Dans mon cœur il n'y a plus rien, il n'y a même plus de chagrin. Il y avait toi, il y avait moi et le soleil qui brillait en se traînant un peu sur tous les toits et mon amour qui ne disait rien. Il y avait toi, il y avait moi, quand je m'en souviens tu disais on fait toujours de la peine à quelqu'un, c'était pour moi. Je le savais bien.

mots tu m'as raconté. Premier soir, un peu de ton passé. Tout intimidé, on s'est arrêté pour notre premier baiser. Soir, pour nous tout a changé. Premier soir, le temps s'est arrêté. Quand tu m'as donné dans un doux baiser ton amour que j'ai. Il s'appelle Mado Robin et le titre La chanson d'Olympia. Les yeux, l'astre du jour.

titre Kiki Mar. Ou un vendredi, quel beau jour c'était chez nous. Aussitôt que l'on s'est vu, de suite on s'est reconnu. Et le plus drôle, vois-tu, c'est t'en souviens-tu, qu'on ne s'était jamais vu. Kiki m'a reluqué, Kiki m'a troublé, Kiki est un chinois, c'est toi. Kiki s'est soumise, pieds nus en chemise, plus plate qu'un anchois. C'est moi, Kiki pour faire l'homme, prend une voix de rogomme, porte des chemises à quoi. C'est toi, Kiki rampe par terre, respire ta poussière, comme un châssis à moi. C'est moi, mais qui du soir au jour, c'est des petits mots d'amour. Qui est le roi du béco, du frisson dans le dos. Qui aime l'amour vache et les petits trucs à tâche, qui aime je ne sais quoi. C'est toi, enfin qui se donne et qui s'abandonne, et c'est bon comme tout. Des serments, tu m'en as fait, tes grands mots, je les connais. Tes gentils garçons, tu vends de la passion comme d'autres vendent des cornichons. T'es sincère et je te crois, quand tu me dis que tu n'aimes que moi. Mais je me dis pourtant que t'aimes pas perdre ton temps, et t'as peut-être besoin d'argent. Qui me bouleverse, même mon âme en perce, mon cœur en émoi. C'est toi, qui croit que je l'aime, qui quand les surmèves, franchement y'a de moi. C'est toi, mais qui en cachette, cache sa galette dans le fond d'un bas. C'est moi, mais qui en cachette, cache sa galette dans le fond d'un bas. C'est moi. Ah oui, c'est merveilleux, l'amour, nous tous les deux. On se croit, c'est très bon, dans un tourbillon. Qui est ma morphine, ma cocaïne, à qui que c'est, à toi. Que deviendra cette histoire où je me sens si croire. Je le sais, mon petit loup, je m'en fous. Voici donc qu'il s'appelle Émile Vacher et son titre « Il fait bon d'amour et d'aimer ».

l'appelle chaque jour qui prend plus de poids, mais qui ferait vivre la mine sans toi. Quand ta mère a déjà 5 gosses à nourrir, un de plus n'est pas pour lui faire plaisir. Alors toi tu bosses comme un lion, mais le chef a beau dire que tu es un champion. Un champion, laisse-moi me marrer. T'en fais 16 tonnes, ça te donne quoi? Un jour de plus vers 4 planches de bois. La crasse qui te ronge et durcit tes doigts, et le droit de te taire quand tu touches ton mois. À force de te battre comme un damné, l'envie de te pondre, d'envoyer tout promener. S'il y a tous les rêves de tes copains, alors tu la boucles mais tu serres les poings. T'en fais 16 tonnes, ça te donne quoi? Un jour de plus vers 4 planches de bois. Et pour te consoler de voir ce que tu vois, et dès que ton père l'a vu avant toi. Mais si toute la semaine tu crèves en bras, dimanche enfin tout le ciel est à toi, et dans tes draps blondes et ton réveil, les yeux de ta femme sont comme du soleil. T'en fais 16 tonnes, ça te donne quoi? Un jour quand même où tu peux croire à la joie, l'espoir d'une autre vie pour tes deux petits gants. Et tout pense comme toi. Et voici Maria Candido, son titre « Je te le le ». Chanson de mon cœur, je te le lave et les bien dit. Voici donc qui s'appelle Jean Sablon et c'est le petit déjeuner. Quand j'étais célibataire, toute ma vie était pleine de misère. Tristes étaient mes nuits, j'avais froid dans mon lit. Et surtout, je n'aimais pas me faire le petit déjeuner. Chaque matin, ça m'ennuyait. Dépeigner en bretelles, de laver la vaisselle de la veille qui restait dans l'évier. Et ensuite, mes souliers. Chaque matin, ça m'agaçait. Comme je suis maladroit, je me cirais les doigts sans compter une partie du parquet. Un jour à bout de courage, j'ai décidé d'engager quelqu'un pour faire mon ménage. Et j'ai pris la première que l'on m'a recommandée. De bonne heure, elle venait chaque matin pour préparer mon petit déjeuner, qu'au lit je dégustais pendant qu'elle me cirait mes souliers. Pour moi, la vie était belle, plus de soucis grâce à cette demoiselle. Je vivais comme un roi, sans lever le petit doigt. Elle faisait tout pour moi avec zèle. Comme dans les contes de fées, ses beaux yeux m'ont envoûté. Et après quelques mois, je me suis dit, ma foi, pourquoi pas, et je l'ai épousée. Et le petit déjeuner, chaque matin, je le refais. Mais quand je suis à jeun, au lieu de n'en faire qu'un, c'est les deux que je dois préparer. C'est moi qui fais les chaussures pendant que madame reste au lit à se taper la confiture. Et Nini, maintenant, la belle vie, c'est fini. Je vous donne un conseil chaque matin à votre réveil. Faites la cuisine vous-même, c'est le meilleur système. Restez célibataire, ne vous laissez pas faire, et vous paierez moins cher. Le petit déjeuner. Voilà donc, il est 16h48, et l'émission bien touche à sa fin. J'espère pour vous que tout s'est bien passé, puis ainsi que vous aimez les chansons que je vous ai diffusées. Qu'on va se retrouver vendredi prochain, puis on va se retrouver aussi dimanche pour l'émission de l'accordéon. Et puis quand on va se retrouver pour l'émission de l'accordéon, eh bien voici, on va terminer l'émission avant de retrouver Emmanuel pour l'émission à partir de 17h. Eh bien on va terminer l'émission avec l'accordéon. Et puis je vous dis bonsoir à tous et à toutes.